Today is 19th of June, year 2017. Going to end of our retreat. I think it's the last talk. So, the whole retreat from starting, we mention about our life, right? The life is like that. When we start from this life, keep on coming this mind and body, they are working together until end of this life, it is there. Keep on going. But we stay together with this mind and this body, but we are very difficult to know about that. Aujourd'hui, nous sommes le 19 juin 2017. C'est la fin de la retraite. Ceci sera donc le dernier enseignement. Tout au long de cette retraite, nous n'avons fait qu'une chose, investiguer la vie. Nous avons également parlé de la vie, des processus physiques et mentaux qui constituent la vie. Et nous avons compris que, depuis la naissance et jusqu'à la mort, il n'y aura jamais que cela en nous, des apparitions et disparitions constantes de phénomènes physiques et mentaux en interaction. Nous vivons dans ce corps depuis toujours, et cependant, nous ne le connaissons pas. C'est très difficile de comprendre en quoi consiste vraiment la vie. Sans vipassana, il est impossible de réussir à bien comprendre en quoi consiste la vie, tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, nous sommes branchés sur des concepts. Nous interprétons tout sur base de concepts. Et les concepts, ce n'est pas la même chose que la réalité. Le Bouddha nous parle de la réalité. Il nous dit que sans la pratique des quatre fondements de l'attention, sans la pratique du noble octuple sentier, sans fournir un effort, une attention et une concentration de qualité, une compréhension, autrement dit une sagesse, et sans sadda la confiance, il est impossible de comprendre en quoi consiste réellement la nature de la vie, la réalité de la vie. Nous ne la comprendrons jamais si nous ne pratiquons pas ces choses. Nous ne réussirons pas à comprendre ce que nous sommes. Le Bouddha a donc parlé de 5 choses à connaître, à comprendre. Ces 5 choses, en général, ne sont pas bien comprises. En pali, on parle de sammoha. Donc, nous allons voir en quoi consistent ces 5 choses que l'on ignore, que l'on ne comprend pas bien. En pali, on dit les panchasammoha. Comme vous le savez, la fonction de moha, l'ignorance, est double. D'une part, c'est ne pas comprendre, et d'autre part, c'est comprendre incorrectement. Quelles sont donc ces 5 choses que nous ne comprenons pas bien ou que nous comprenons incorrectement? Il y a tout d'abord kamma sammoha, ensuite dhamma sammoha, ensuite lakana sammoha, ensuite paccaya sammoha, et enfin nibbana sammoha. Donc, ces 5 choses sont mal comprises ou comprises incorrectement. Voyons la première de ces ignorances, kamma sammoha. Kamma, tout le monde connaît ce mot, le kamma, c'est l'action physique, verbale ou mentale. Et tout le monde comprend cela à un niveau superficiel. Que faire une action physique, c'est du kamma, une action vocale, c'est du kamma, une action mentale, c'est du kamma. Mais le Bouddha nous parle du kamma et des résultats du kamma. Tout ce que l'on fait, que ce soit positif ou négatif, va revenir à quelqu'un. Qui est-ce qui va en hériter? Il y a donc des résultantes à nos actes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et en général, on pense que c'est nous qui héritons de ces conséquences. Mais en fait, cette façon de penser n'est pas proprement bouddhiste, elle est hindouiste. C'est le karma hindouiste. En effet, dans l'hindouisme, on croit en l'atta, l'atta qui est un être, une entité permanente créée par Brahma, et c'est cet atta qui fait l'action, qui pose le geste, qui donc crée le karma, et c'est également cet atta qui en hérite, qu'il soit positif ou négatif. L'être agit, et c'est l'être qui reçoit les résultats, qui hérite des résultats. C'est la façon hindouiste de penser. Les bouddhistes, qui envisagent les choses à partir du concept, qui ne voient que les concepts, qui pensent donc qu'il y a un je qui agit, pensent également qu'il y a un je qui hérite des conséquences de cette action. En fait, ceci c'est de l'hindouisme, ce n'est pas vraiment du bouddhisme. Tout ceci pour expliquer que le karma est très difficile à comprendre en profondeur. Il ne peut être compris que par vipassana, lorsque le méditant pratique, qu'il comprend expérimentalement les causes et les effets, qu'il développe jnana, la connaissance, alors seulement il verra que ce je qui hériterait du karma n'existe pas vraiment. Mais tout ceci est très difficile à comprendre. En général, on comprend à un niveau superficiel. Il y a des causes qui amènent des résultats. On dit « je souffre » et si je souffre, c'est à cause de toi, à cause de telle ou telle circonstance, etc. Mais tout ceci, c'est une façon erronée de comprendre. Elle ne s'enracine pas dans la réalité. Pour comprendre la nature du karma, Kama Sammoha, c'est très difficile. Donc, c'est difficile de comprendre le karma et ses effets du point de vue de la réalité ultime. Mais c'est également difficile de comprendre ces choses du point de vue du concept. On dit tout simplement, le karma amène des résultats. C'est une façon très superficielle de comprendre le karma et les résultats. Mais il faut savoir que seul celui qui détient l'œil divin peut comprendre vraiment en quoi consiste le karma et ses résultats. Dans la vie, il arrive parfois que certaines personnes expérimentent des situations très agréables et très positives, et pourtant, elles n'ont rien fait de particulier pour cela. Le contraire est vrai également. Il arrive parfois que certaines personnes souffrent beaucoup dans la vie. Elles connaissent toutes sortes de situations très pénibles. Elles non plus n'ont rien fait de particulier pour cela. Elles se posent alors certaines questions. Elles se disent « Comment se fait-il que je doive endurer toutes ces souffrances ? Je me suis toujours bien comportée. » Et le doute apparaît dans leur esprit. Elles commencent à douter du karma et de ses résultats. Certaines personnes sont même parfois amenées à se suicider tant elles souffrent, et pourtant ce sont de bonnes personnes. Il y en a qui tuent, qui volent, etc., et pourtant ce sont aussi de bonnes personnes. Donc tout ceci est très difficile à comprendre. Le Bouddha explique que le karma ne va pas obligatoirement porter ses fruits immédiatement. Il y a 7 moments de conscience qui se succèdent très rapidement à chaque acte. Si le karma est posé au premier moment, il portera ses fruits dans cette vie même. S'il est fait au dernier moment, il portera ses fruits dans la dernière vie. L'acte est posé du deuxième au sixième moment de conscience, il ne donnera pas ses fruits forcément immédiatement, mais le potentiel karmique sera emporté avec l'être tout au long de son existence jusqu'à la dernière existence. Ça veut dire que ce karma pourra se manifester tout au long de son existence samsarique. La personne qui détient donc l'œil divin peut voir quelles sont les causes pour la souffrance ou le bonheur des êtres. Ces gens peuvent dire que telle ou telle personne qui en ce moment souffre énormément le doit à tel ou tel acte qu'elle a posé au cours de telle ou telle existence. Mais seule la personne qui dispose de l'œil divin peut voir cela. L'œil normal, celui que nous avons tous, n'est pas capable de voir cela. C'est donc très difficile de comprendre en profondeur le karma. Et cela dépend également de la confiance que l'on a dans le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Les personnes qui ne comprennent pas bien le karma et ses effets sont des personnes dangereuses, car ils vont poser toutes sortes d'actes, positifs mais négatifs également. De cette façon, si la société est pleine de personnes de ce type, elle va se détériorer progressivement. Par contre, si on détient la vue juste du karma et de ses effets, karma sakata sammaditi, que nous avons la sagesse, nous pourrons atteindre la libération. Nous ne poserons pas d'actes très négatifs au cours de notre vie à cause de cette compréhension juste. Et grâce à cela, nous introduirons la paix dans le monde. Si toutes les personnes qui constituent la société avaient cette compréhension, la paix régnerait dans le monde. Mais si les personnes qui constituent la société n'ont pas cette compréhension juste, cela devient très dangereux pour la société. Donc la deuxième ignorance est appelée en pali Dhamma Sammoha, l'ignorance à propos du Dhamma. Nous pensons que nous avons un corps, que ce corps est solide, qu'il est fait de matière, qu'il nous appartient. Nous reconnaissons les bras, les jambes, la tête, les mains. Tout cela, c'est Sakaya Ditti, la vue fausse à propos du corps. Du point de vue de la réalité ultime, tout ceci n'a pas de sens, car il n'existe rien de solide à l'intérieur de nous. Mais ce n'est pas possible de le voir si on reste au niveau des concepts. Ce n'est que lorsque nous aurons pratiqué la méditation vipassana que nous serons en mesure de voir tout doucement que le corps physique est fait des quatre grands éléments. Il n'y a que cela. Des sensations de chaleur, de douceur, de vibration, de mouvement, etc. Il y a également la couleur, l'odeur, la nutrition, le goût, et tout cela mis ensemble est reconnu comme étant le corps. Mais en réalité, ce ne sont jamais que des moments de corps. Rien n'est solide. Prenons par exemple les 32 parties du corps. Prenons chacune de ces 32 parties, réunies ensemble et maintenues ensemble, nous reconnaissons le corps. Mais si nous séparons toutes ces parties, il n'y a plus de corps. Où est-il ce corps? Il n'y a plus que des éléments, des morceaux. C'est à cause de l'élément eau, dont la caractéristique est la cohésion, que toutes ces choses sont maintenues ensemble et donnent une forme. Nous reconnaissons un homme, une femme, un chien, une voiture, mais tout cela, ce ne sont jamais que des concepts. Ce n'est pas la réalité. Le Dhamma est donc très difficile à comprendre. Il est très difficile à comprendre que tout change à chaque instant. Lorsqu'on observe en méditation et qu'on expérimente une sensation de chaleur, par exemple, on pourrait se demander « mais où est cette chaleur ?» On n'arrive pas à la situer dans le corps. Si on expérimente de la dureté ou de la tension, on peut aussi se demander « où elle est cette dureté ? Où est-elle cette tension ?» On n'arrive pas à la situer dans le corps. Il n'y a jamais que des sensations qui sont ressenties, mais on ne sait pas où. Tout ceci est impossible à comprendre sans vipassana. Si nous pratiquons la méditation vipassana, progressivement, nous comprendrons en quoi consiste réellement le corps et l'esprit. Plus nous pratiquerons, plus nous comprendrons, et plus la sagesse, les jnanas, vont se développer. Ne pas voir tout cela, c'est donc Dhamma Sammoha. Il est très difficile, en effet, de voir que tout à l'intérieur de nous n'en finit pas d'apparaître et de disparaître. Tout surgit pour disparaître l'instant d'après. Nous avons parlé hier des stades de connaissance vipassana. Au stade des apparitions et disparitions, le stade de Udayabeya, le méditant commence à voir cela. Il va ensuite arriver au stade de Banga, le stade de la dissolution. Tout se dissout. Il ne voit plus que des dissolutions à l'intérieur de lui. Il n'arrive plus à rien agripper. Tout se dissout à chaque instant. Et il prend peur. C'est un autre stade. Le méditant qui en est arrivé là voit la réalité. Il comprend de façon pénétrante. Il voit les choses telles qu'elles sont réellement. C'est donc petit à petit, progressivement, au fur et à mesure de la pratique, que nous allons éliminer Dhamma Sammoha, l'ignorance par rapport au Dhamma. Les êtres ordinaires, ceux qui ne pratiquent pas la méditation vipassana, ne verront jamais cela. Ils n'ont aucun moyen pour y arriver. Sakaya Ditti, c'est donc la vue fausse qui fait croire en l'existence réelle du corps, l'existence d'un corps solide, et il faut s'en débarrasser. Donc l'ignorance suivante, c'est lakana sammoha. Lakana veut dire caractéristique. Il y a deux sortes de caractéristiques, les caractéristiques individuelles, sabhava lakana, et les caractéristiques communes, samanya lakana. Tous les phénomènes ont donc des caractéristiques individuelles et des caractéristiques communes. Pour ce qui est des caractéristiques individuelles, elles ne sont pas faciles à comprendre. Mais si on ne comprend pas les caractéristiques individuelles des phénomènes, il est impossible de comprendre leurs caractéristiques communes. Nous pensons par exemple que nous avons une tête et que cette tête est chaude, que notre corps est chaud, que le lac là-bas au bout est chaud. Mais en réalité, le lac en tant que tel n'est que le lieu. Et la chaleur, c'est un élément, un des quatre grands éléments, c'est l'élément feu. L'œil est capable de voir, c'est sa caractéristique. L'oreille entend. Ce sont les caractéristiques individuelles de l'œil et de l'oreille. Mais en général, on ne pense pas ainsi. On pense « je vois »,« j'entends ». Donc on ne voit pas les caractéristiques de l'œil ni de l'oreille. Tout ceci parce que notre compréhension est recouverte par l'ignorance, par moha. On ne voit pas les caractéristiques individuelles des phénomènes. Comprendre anicca, dukkha et anatta est également très difficile et on ne pourra y arriver que si on voit les caractéristiques individuelles des phénomènes. Anicca, c'est le fait que tout passe à chaque instant, rien ne dure, tout est extrêmement éphémère. Dukkha, c'est le fait que les choses ne sont pas comme on souhaiterait qu'elles soient, on aimerait que les choses durent, que nous ne les perdions pas, mais c'est impossible et c'est une souffrance. Pourquoi est-ce impossible? Parce que ces choses sont incontrôlables, ce ne sont jamais que des mécanismes de l'esprit et de la matière qui fonctionnent automatiquement. Ils sont donc anatta, dépourvus d'une entité permanente. Ces trois caractéristiques, anicca, dukkha et anatta, sont les caractéristiques communes à tous les phénomènes, samanya lakana, et nous ne pourrons les comprendre vraiment que par la pratique de vipassana. Il est donc très important d'enseigner la méditation vipassana, et tout le monde devrait s'y mettre. Plus nous pratiquerons vipassana, mieux nous comprendrons, plus la vie sera agréable et facile pour nous. Tout le monde pense en termes d'un je qui expérimente, qui fait. Personne ne comprend la caractéristique des phénomènes de ce je. C'est lakana sammoha, on ne voit pas les caractéristiques des phénomènes. Donc l'ignorance suivante, c'est Pachaya Sammoha, l'ignorance à propos des causes. C'est également une ignorance qui est très difficile à éradiquer. Tout a une cause, mais à cause de l'ignorance, nous ne le savons pas. Nous pensons que les choses se passent sans qu'il y ait de cause pour cela. Mais en réalité, il n'y a qu'un enchaînement de causes et d'effets. Nous ne savons pas ces choses, et donc nous sommes pleins de avidja, d'ignorance. À cause de cette ignorance, nous allons désirer certaines choses. Ce désir, c'est le kamma. Ensuite, nous allons faire pour obtenir cette chose que l'on aime. C'est sankhara. Ensuite, nous allons obtenir cette chose que nous désirons avoir. C'est nama et rupa, autrement dit, la vie. Et la vie, c'est la souffrance. Mais comme nous ne le savons pas, nous recommençons à désirer certaines choses, et de nouveau, nous créons du kamma. Ensuite, nous faisons pour acquérir cette chose, de nouveau des sankhara. Et puis, nous obtenons cette chose, et de nouveau, la vie, nama et rupa. Et de nouveau, l'ignorance. Et nous sommes repartis pour un nouveau tour. Ceci, cette espèce de cycle des causes et des effets, ce cycle vicieux, c'est le samsara, la vie dans le samsara. Et tout ceci est dû au fait que nous aimons. Aimer, c'est l'avidité, c'est le désir. Et le désir est insatiable, nous dit le Bouddha, il y en a toujours plus. Nous aurons du désir de la naissance à la mort, sans arrêt, à moins que nous ne pratiquions Vipassana et que nous commencions à comprendre ses causes et ses effets. Pour illustrer ceci, il y a une histoire qui se passait du temps du Bouddha. Il y avait un homme très riche qui était devenu vieux et qui désirait faire don d'une partie de ses champs à son ancien ouvrier. Son ancien ouvrier avait déjà 70 ans. Il avait 8 enfants. L'homme riche lui explique qu'il veut lui faire don d'une partie de ses champs. Mais c'est à lui à délimiter la grandeur de ce champ. Pour la délimiter, il lui explique qu'il devra planter des bâtons aux quatre coins de l'espace dont il souhaite hériter. Mais c'est à lui de voir la grandeur de cet espace. Il devait planter ses bâtons aux quatre coins, mais il devait le faire sans s'arrêter. Il devait courir d'un coin à l'autre. Le vieil homme, qui avait 70 ans, accepte l'offre que son maître lui faisait et se met en route vers le champ. Il commence par planter un premier bâton et se met alors à courir, comme le maître le lui avait demandé, pour planter le deuxième bâton et délimiter le champ. Cet homme, tout en courant, se dit « J'ai 8 enfants ». Il avait déjà parcouru à peu près 1 kilomètre pour le premier côté, et il se dit que ce n'était pas assez, puisqu'il avait 8 enfants, il lui fallait plus. Il recommence à courir pour essayer d'agrandir encore ce champ. Mais hélas, il meurt d'un infarctus. L'histoire raconte aussi que le maître, par compassion et par amour bienveillant, a finalement donné un champ d'une dimension acceptable à ses enfants. Mais cette histoire illustre donc le fait que l'avidité, le désir est insatiable. On en veut toujours plus et ce sera sans fin jusqu'à la mort. Donc ceci, c'est Paccaya Sammoha, l'ignorance des causes. Par la pratique de Vipassana, le méditant va petit à petit comprendre qu'il n'y a à l'intérieur de nous qu'une succession de causes et d'effets. Il va acquérir les vues juste par rapport aux causes et aux effets et pourra ainsi mettre fin à cette ignorance. La dernière ignorance est Nibbana Sammoha. Cette dernière ignorance sera éradiquée au moment où on réalise Nibbana. Le méditant doit s'efforcer d'atteindre Nibbana. Il doit toujours avoir Nibbana en vue. Tous les matins, nous récitons la formule Idame Punyam et Idame Silam Magafala Nyanasa Pacheyo Hotu. Puissais-je réaliser Nibbana par ces actions positives que je fais. Le méditant souhaite donc réaliser Nibbana. Magga et Phala, latin de Magga et de Phala, c'est précisément cela. Le méditant voit Nibbana. Son esprit voit l'objet et l'objet, c'est Nibbana. Nous devons donc essayer de nous rapprocher le plus possible de Nibbana, même si, avant de l'avoir atteint, nous ne comprenons pas encore très bien. Sachons que Nibbana, c'est la paix, c'est le calme. Et c'est le but de Vipassana. Nous allons, par Vipassana, développer la sagesse qui va devenir très forte, très profonde, et nous serons alors mûrs pour expérimenter Nibbana. Nous aurons alors débarrassé de notre esprit Nibbana Sammoha. Si nous ne faisons pas cela, nous aurons forcément des doutes. Les êtres ordinaires, les Putujana, ne comprennent pas très bien tout cela. Ils ne comprennent pas non plus en quoi consiste réellement Nibbana. Mais si nous pratiquons, la confiance va petit à petit se développer, de même que la sagesse, la compréhension. Et finalement, nous réussirons à mettre fin à Sammoha, à Nibbana Sammoha. Sadhu, sadhu, sadhu. That is five kinds of. We are in all the Putujana. We are cannot make sure all these kind of things, but according to the knowledge, we believe. That's why we try. As much as we try, the more we try, the more you understand, the more we can get confident. At the end, we will clear all these kind of sammoha. Sammoha is a delusion, ignorance, we can clear off in this way of teaching by the Buddha. That is the short Dharma talk is about 1 hour. Enough. Huh? Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.